je chanterai notre amour aux fenêtres de l'espace où le vent fugace passe et de l'ombre fait le tour. Pour lui dire qu'il naît de fleurs fanées en ce cœur fidèle et tendre, de tristesse ni de cendre au souffle nu de l'année, mais que silence et clair de terre, comme au plus fou de la saison, lorsqu'au secret de la maison nulle flamme jamais ne reste solitaire, et qu'il n'est plus qu'ivresse folle dans l'air doré par l'incessante sarabande des abeilles, où rien ne vibre encore entre les treilles, que cette force en l'air d'azur subtilement paré, et que cette magnificence de ce qui bruit sans le savoir, et de son aile fait valoir le cœur tranquille du silence. À la chute, au point du jour, aux fenêtres de l'espace, sans que de lui rien ne passe, je chanterai notre amour.